Bonsoir. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la presse libre internationale et quel est le sens du travail que l'on fait. L'Agence internationale de la presse libre est uniquement axée sur le journaliste d'enquête économique, politique, militaire et médicale à l'échelle internationale. Le but, c'est la libre circulation de l'information, surtout celle passée sous silence par les médias d'information officiels et touchant plus particulièrement la mise à découvert de tous les différents mécanismes établis en fonction de l'instauration d'un gouvernement mondial, aussi appelé Nouvel Ordre mondial ou Conspiration du Nouvel Âge, prévu par les Nations unies pour l'été de 1999. En tant que journaliste d'enquête, nous fonctionnons à l'agence uniquement à partir de documents officiels et autres recueillis dans différents pays avec l'aide d'autres journalistes. Ainsi, nos rapports et nos conclusions ne sont jamais basés sur des théories ou des révélations de quelque source que ce soit. Nos méthodes d'enquête et de vérification sont rigoureusement scientifiques et nos découvertes sont toujours vérifiés dans leur exactitude avant toute publication. Vu l'ampleur du drame à la veille de s'abattre sur l'humanité, tout spécialement sur les nations de l'Occident chrétien, parce que c'est ce qui est en cause à l'heure actuelle avec la formation d'un gouvernement mondial, ça ne touche pas nécessairement la Chine ou d'autres parties de l'Asie, ça touche plutôt avec la communauté économique européenne et avec ce qui se passe au niveau du libre-échange en Amérique, les nations de l'Occident chrétien originellement, nous encourageons la formation à l'échelle nationale et internationale de réseaux parallèles d'informations et d'échanges de tout ordre afin d'éviter la disparition, l'anéantissement même de toutes les valeurs occidentales, telles qu'on les a connues à venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, la conférence d'aujourd'hui revêt une importance assez particulière parce qu'elle touche l'émergence d'une police d'État nationale et internationale. Il y a beaucoup de volumes qui sont parus à l'heure actuelle sur le Nouvel Âge, l'ère du Verseau. Il y a beaucoup de conférences qui ont été données, mais la plupart des choses qui sont écrites ou qui sont données habituellement sont en fonction des structures politiques, des structures d'organisation militaire. Mais rarement, on va parler en profondeur quelle est l'idéologie qui forme, en fin de compte, ces nouveaux corps d'élite-là. Qu'est-ce qui est sous-jacent, en fin de compte, à ces structures-là? C'est bien beau l'établissement de structures, c'est bien beau l'établissement d'un nouvel ordre mondial, c'est bien beau l'émergence, en fin de compte, d'un nouveau corps policier comme celui qui est en train de se faire en Amérique, l'émergence, en fin de compte, d'une nouvelle police militaire, mais idéologiquement, qu'est-ce qui réunit ces gens-là et qu'est-ce qui les différencie de tout ce qui a existé à venir jusqu'à date? C'est de ça qui va être question aujourd'hui. Il y a un bonhomme, ça faisait 20 ans qu'il travaillait comme policier aux États-Unis. Dans les années 1990, en empruntant un autre nom, il a fait parvenir le texte complet d'une conférence et en même temps de son expérience personnelle comme policier afin de sensibiliser les journaux à travers l'Amérique de ce qui était en train de se passer et de ce qui était difficilement perceptible à l'œil nu, à moins de faire partie de ces différents corps-là. Donc, il avait commencé son papier ici à la question « Y a-t-il des juges, des procureurs et des policiers aujourd'hui qui commettent des actes malhonnêtes pour incarcérer des criminels? » Ça, c'est la première question qui était posée. Et à cette question-là, il dit « Je réponds sans équivoque oui » puis il va expliquer pourquoi par la suite. Mais il est permis d'espérer que ce n'est pas fait sans une juste cause. La véritable immoralité n'existe que quand la cause n'est pas juste. Et ça, c'est excessivement grave. Habituellement, le droit, l'organisation des États en Occident, toute la tradition historique qui s'est formée jusqu'à l'heure actuelle, était basée en fonction d'une idéologie chrétienne à venir jusqu'au 20e siècle. Au nom de cette idéologie-là, on faisait passer le bien et la protection de l'État avant n'importe quoi. C'est cette idéologie-là qui s'est transformée à l'heure actuelle sans que les populations en soient nécessairement conscientes. Et ce qu'il dit ici est très important, lorsqu'il dit la véritable immoralité n'existe que quand la cause n'est pas juste. À partir de ce moment-là, comme ça va être développé, il va démontrer que la nouvelle idéologie qui se trouve à être celle d'un nouvel ordre mondial et l'idéologie qui doit passer avant n'importe quoi et qui peut permettre à n'importe qui faisant partie du pouvoir judiciaire et militaire pouvant leur permettre de perpétrer quelque acte criminel que ce soit au nom de cette idéologie-là parce que le but visé, la cause visée, elle est juste. Et c'est un changement complet par rapport à tout ce qui existait dans notre tradition historique. Il dit, après plus de 20 ans de service à mes compatriotes américains, j'ai réalisé ce qu'était la réalité. C'est-à-dire qu'il a réalisé tout d'un coup quelle était la réalité dans laquelle il vivait. La vérité est qu'aujourd'hui, plusieurs juges, avocats et officiers de police sont des dévots de la religion de l'humanisme séculier. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent, ils disent, « Ouais, ben écoute, on entend parler du nouvel âge, on entend parler d'un nouvel ordre mondial, mais c'est quoi ça au juste? » Justement, la base idéologique de tout ce qui va composer le nouvel ordre mondial est à la base d'un humanisme basé essentiellement, centré essentiellement sur le culte de l'homme, rien plus loin que ça, même pas un pouce à côté. C'est la déification de l'homme en tant que centre de l'univers, en tant que Dieu, en tant qu'autosuffisance et étant au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers. C'est la philosophie de base de l'humanisme séculier ici. Que s'il y en a pendant le cours de la conférence qu'il y a des termes que vous ne comprenez pas ou que je n'ai pas assez bien expliqué, gênez-vous pas, interrompez-moi, je vais vous les expliquer au meilleur de ma connaissance. Le policier continue en disant « Certains de nos membres, la plupart à cause de la peur, n'admettront pas que ce nouvel humanisme est une religion. Ils ont peur d'être traités comme les soi-disant chrétiens ont été traités sous la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État. Une telle peur serait fondée si on était il y a 15 ou 20 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. » La raison étant que les collègues au niveau des corps policiers et militaires sont pour la plupart en contrôle des agences et des organisations, et là, ils nomment toute une série de noms, comme le département de la justice, ainsi de suite, aux États-Unis. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, il dit, voilà 15 ou 20 ans, alors que l'idéologie chrétienne aux États-Unis était dominante et que ceux qui contrôlaient les différents paliers du gouvernement, du militaire, du judiciaire, de la police, les différents ministères gouvernementaux avaient une formation chrétienne. Ils disaient, il y a 15-20 ans, OK, ces gens-là, on pouvait avoir peur de montrer ouvertement qu'on ne croit plus à ces choses-là, que nous autres, on croit fondamentalement et uniquement à l'humanisme. Mais aujourd'hui, il dit, c'est plus le cas parce qu'on a beaucoup de bonhommes qui croient la même chose que nous et qui ont des postes importants. Bien qu'à première vue, ceci semble injuste, ce ne l'est pas. Mais permettez-moi de poursuivre, et je crois que vous allez parvenir à une pleine compréhension de ceci, ainsi que de plusieurs autres faits importants. Mon sentiment est qu'en ce moment, nous, les bergers, et vous allez voir la façon, au niveau de cette conférence-là qui avait été donnée en privé, là, dans des milieux privés, comment est-ce que ces gens-là se considèrent exactement, et vous allez voir en même temps aussi, par conséquent, comment est-ce qu'ils considèrent les populations. Nous, les bergers, devons ouvrir les yeux de nos troupeaux et choisir plus en profondeur ceux que nous ne pouvons emmener au 21e siècle. Tous ceux qui nierait que notre religion, et lorsqu'il parle de religion, il parle de l'humanisme, il ne parle de rien d'autre à côté, tous ceux qui nieraient que notre religion n'est pas une religion valide devraient retourner faire leur devoir. La Cour suprême des États-Unis a décidé que c'était une religion. Il y a quelques années, dans des cas de causes célèbres comme la cause de Torcaso, Arbenton et d'autres causes, la Cour a statué que la croyance dans l'humanisme, le rejet de l'idéologie chrétienne, était une religion aussi acceptable que la religion chrétienne pouvait l'être. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est là la croyance, et non pas le corps, les principes ou le culte qui semblent être l'essence de la religion. Elle explique de plus que la croyance fait référence à une certaine vision universelle de la vie, du monde et de l'humanité. Dans son ensemble, la Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'une religion peut être n'importe quelle vision du monde, avec ou sans référence à Dieu, de nature théiste ou athéiste. En d'autres mots, la nouvelle jurisprudence établie par la Cour suprême des États-Unis a établi que toute croyance fondée sur une nouvelle vision de l'univers pouvait être considérée comme étant une religion acceptable et valable, et que pour cette raison, les gens qui croyaient à cette religion-là n'étaient pas obligés pour autant, comme dans le passé, de croire à un Dieu particulier. Et ça, c'est un gros changement, vous allez voir plus loin pourquoi. J'espère que ceci aide les autres à comprendre notre foi. Il parle de la foi en l'humanisme. Néanmoins, ceci n'est bien sûr pas le point principal de mon discours. Je souhaite traiter des abus auxquels font face les policiers qui souscrivent, consciemment ou non, aux tenants moraux de notre religion en ce qui a trait à l'éthique et à la morale. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à un moment donné, les policiers de plus en plus nombreux aux États-Unis qui adoptaient cette manière de penser au niveau d'une croyance uniquement dans l'humanisme sans référence à un Dieu quelconque étaient victimes de ségrégation ou de menaces ou de quoi que ce soit de la part de leurs chefs qui, eux, avaient encore une idéologie chrétienne. Partout au pays, nos dévots endurent d'horribles discriminations aux mains d'une faction très hypocrite de la société, c'est-à-dire les chrétiens. Et vous allez être surpris, mais qu'on arrive à la fin de tout ce rapport-là, de voir exactement qu'est-ce qui se passe sans que personne soit réellement au courant, parce que rien n'est dévoilé nulle part, tout est fait d'une manière cachée. Cette discrimination survient comme nous, humanistes, exerçons nos croyances religieuses et appliquons notre morale, disons, au travail. Pourtant, d'autres officiers peuvent à loisir appliquer leur morale et croyances individuelles, et ce, sans aucune protestation. Ceci est indéniablement de la discrimination. Heureusement, notre religion humaniste affiche le plus haut taux de croissance de toutes, dans toute l'histoire, et la nouvelle génération à l'intérieur du système judiciaire, incluant les policiers qui souscrivent à de saints principes d'humanisme, sont maintenant dans des postes administratifs, ce qui profite à tous. En d'autres mots, c'est qu'il y avait une époque où la majeure partie des cadres policiers, des cadres militaires, des cadres judiciaires, en fin de compte, soit au niveau des avocats de la couronne, au niveau des juges, au niveau du ministère de la Justice, qui étaient d'essence chrétienne. Ce qu'il est en train de dire, c'est que plus on avance, plus cette mentalité chrétienne est en train de disparaître, donc on subit de moins en moins de discrimination, on a de plus en plus de force, et vous allez voir dans quel but et pourquoi qu'il dit ça. Ceci nous donne en effet du pouvoir et est un peu plus pour notre camp. Pourtant, il y a toujours trop de discrimination contre un des principes les plus importants de notre religion qui s'appelle l'éthique de situation. Vous entendez parler souvent d'éthique professionnelle, d'éthique dans tel ou tel secteur. On devrait avoir une éthique quelconque. Pourtant, une éthique qui est un code de morale par rapport à certaines frontières à ne pas dépasser, comme il en existe en médecine, comme il en existe dans d'autres cadres professionnels, les codes d'éthique étaient toujours basés dans le passé sur des valeurs chrétiennes. Lui va vous expliquer avec la formation de cette nouvelle idéologie qui est en train de s'établir dans toutes les couches du système judiciaire et militaire aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'éthique de situation? Qu'est-ce que c'est leur éthique à eux autres, leur morale, en fin de compte? Si on veut, c'est exactement la même chose. Le principe de l'éthique de situation, c'est-à-dire de morale, permet à l'individu de se concentrer correctement sur le but qu'il veut atteindre. Moralement parlant, peu ou pas d'importance ne doit être accordée à la méthode et aux moyens, puisque rien ne surpasse le but en importance. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, tous les moyens sont permis parce que le but visé, le but ultime, lui, donne droit à utiliser n'importe quel moyen pour être capable de l'atteindre. En d'autres mots, la fin justifie les moyens. Bien sûr, on se préoccupe grandement de trouver un moyen d'accomplir la tâche ou d'atteindre le but de façon à avoir le moins d'impact négatif sur le moins de gens possible dans les populations. Il continue en disant, « Dans ma jeunesse, je me souviens d'avoir entendu le coach d'un club de baseball auquel il faisait partie le décrire de cette manière. « Gagner, ce n'est pas tout, c'est la seule chose. » La grande majorité de notre société vit de cette façon aujourd'hui. Oui, même plusieurs de ceux qui, soi-disant, enseignent d'autres fois, c'est-à-dire d'autres cultes, d'autres religions, et occupent des chaires partout aux États-Unis. Personnellement, je pense que le principe de la morale de situation, l'éthique de situation, est le mieux décrit en examinant la définition légale de la morale et de l'éthique telle que donnée par nos compatriotes, les communistes. Et là, on joint ce que j'avais essayé de faire comprendre à un moment donné, la relation qui existait entre le système, l'idéologie communiste, l'idéologie de la haute franc-maçonnerie française et l'idéologie de l'Allemagne hitlérienne. Vous avez exactement trois choses identiques, mais présentées de trois manières différentes. Et lorsque vous entendez parler un policier qui parle en même temps au nom ici, parce que, écoutez, le gars a réalisé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'était rendu trop loin. Le gars qui représente en même temps des bonhommes qui ont des postes importants, comme les procureurs de la couronne, les juges, les ministres de la justice, les bonhommes dans les forces militaires, qui dit nos compatriotes, les communistes, on arrive à une bizarre de manière de penser. Il y a de quoi se poser des questions, puis il va y avoir de quoi s'en poser encore beaucoup plus au fur et à mesure que je vais avancer dans le texte. Ceci est du plus pur humanisme séculier. Nous pouvons apprendre beaucoup, en fait, de la dévotion totale des communistes. Et oubliez pas, ce n'est pas quelqu'un qui est en Union soviétique, là. C'est des bonhommes qui ont des positions excessivement importantes aux États-Unis dans ce qui touche l'administration quotidienne de la justice. Les marxistes ont, par nécessité pragmatique, c'est-à-dire pratique, épuré plus de 90 millions de gens dans la poursuite de la mission la plus noble de l'homme, la paix mondiale. Vous vous rendez compte? Lorsque des bonhommes qui font partie du ministère de la Justice sont capables de décrire, d'avoir pensé, de former des gens au niveau des nouveaux corps de police qui sont formés aux États-Unis, et je vais vous montrer d'ailleurs comment c'est formé, et comment sont éliminés tous les policiers, tous les militaires qui ont une pensée chrétienne, qui est capable de dire « Les communistes ont éliminé 90 millions de personnes dans la poursuite de la mission la plus noble de l'homme, la paix mondiale. Imaginez-vous ce qu'ils vont être prêts à éliminer pour être capables d'imposer le nouvel ordre mondial. » Quelle personne intelligente pourrait appeler immoral quelques moyens utilisés pour parvenir au plus important des buts? En d'autres mots, il nous dit carrément, écoutez, il n'y a rien d'immoral dans le fait d'éliminer les gens si on le fait au nom d'une paix mondiale. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, là. C'est un texte de 1990 à l'intérieur même des sphères de l'administration de la justice aux États-Unis et par conséquent de l'administration de la justice au Canada, parce que les deux systèmes sont semblables et sont en train de se fusionner avec le libre-échange, vont se fusionner complètement. Ce qui est à ne pas oublier aussi. Dans nos grands manifestes humanistes, signés en 1933 et en 1973, nous expliquons nos principes moraux qui sont les mêmes que les principes marxistes. Exactement les mêmes. Mais mis de l'avant en des termes beaucoup plus concrets et délicats pour que ça passe mieux. Voici un bref sommaire de nos croyances à propos de l'éthique et de la vérité. Éthique, la façon que les autres définissent l'éthique, c'est-à-dire la morale, la manière d'agir morale à l'intérieur d'une situation. Les valeurs morales tirent leur source de l'expérience humaine. Donc, c'est complètement différent de la tradition chrétienne depuis des siècles, parce qu'on appartient, même si on ne le veut pas, à une tradition chrétienne. Okay? Donc, la morale ne tire plus sa source de la tradition chrétienne, mais de l'expérience humaine. Ça ne vous fait pas penser au changement depuis 30 ans à l'intérieur du système d'éducation ici. Moi, y revenais tout à l'heure. L'éthique est autonome et situationnelle, ne nécessitant aucune sanction théologique ou idéologique. En d'autres mots, on n'a pas à subir aucune sanction théologique ou idéologique de quelque dieu ou de quelque religion que ce soit en faisant ce qu'on fait. Okay? Nier ceci équivaut à nier la base même de la vie. Et en vous lisant ceci, et en vous lisant cette définition-là, je vous lirai des textes de 1740-1750, lorsque Wessop a formé les Illuminati. Je vous lirai des textes de d'autres époques au niveau des loges du Grand Orient en France, des bonhommes qui sont pour l'établissement d'un gouvernement mondial, et vous retrouveriez exactement les mêmes définitions et les mêmes discours partout, d'une époque à l'autre. Nous visons une bonne vie ici et maintenant. Donc là, vous avez le sens, la définition et le but visé par un nouvel ordre mondial et, en d'autres mots, l'établissement d'une paix mondiale, d'une bonne vie ici et maintenant, le reste ne nous intéresse pas et n'existe pas. C'est ça qui est dit. Autorité et vérité. Donc, la définition que les autres en donnent, nous rejetons ces caractéristiques de la morale religieuse traditionnelle qui nie aux êtres humains la totale appréciation de leur potentiel et responsabilité. En d'autres mots, toute forme de morale religieuse, quelle qu'elle soit, toute forme d'idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, toute forme de croyance en une divinité quelconque est à rejeter si elle ne permet pas à l'homme de réaliser son plein potentiel et ses pleines responsabilités. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est l'essence même de ce qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial. Donc, il y en a qui vont avoir des chocs s'ils s'imaginaient qu'un nouvel ordre mondial, c'est quelque chose de bien beau, de bien extraordinaire pour tout le monde. Vous allez voir que ce n'est pas exactement ce que les gens pouvaient en penser. Les religions traditionnelles offrent souvent du réconfort aux humains, mais souvent aussi, ils empêchent les humains de s'aider eux-mêmes ou de vivre leur plein potentiel. Juste cette phrase-là est exactement en carbone les phrases exactes et les mêmes phrases qui ont été utilisées il y a 30 ans lors de la Révolution tranquille au Québec pour balancer par-dessus bord tout ce qui pouvait exister comme système d'éducation et autres. Exactement les mêmes phrases qui avaient été employées il y a 30 ans pour ceux qui s'en rappellent. En disant, les religions traditionnelles ont souvent du réconfort aux humains, mais souvent aussi, ils empêchent les humains de s'aider eux-mêmes ou de vivre leur plein potentiel. Donc, on doit se débarrasser de tout ce qui existe comme religion, comme on a fait ressortir à un moment donné au niveau de l'éducation dans les écoles ici, sous prétexte que ça empêchait les enfants de se développer librement. Exactement la même chose ici. Et ça, c'est un texte à l'intérieur des milieux judiciaires en 1990 aux États-Unis. Nous ne pouvons découvrir aucun but divin et aucune providence pour l'espèce humaine. En d'autres mots, il n'y a aucun but divin qui doit exister pour l'homme et il n'y a aucune providence, aucun Dieu qui doit exister pour l'homme sous un nouvel ordre mondial. Et ceci fait partie de l'enseignement de la nouvelle police d'État et les nouveaux militaires ou les gens des services secrets et ainsi de suite. En tout cas, je vais vous passer tous les différents organismes tout à l'heure. Pour ceux qui font partie de ces organismes-là, c'est la manière de penser, c'est la formation idéologique qu'ils reçoivent. Les humains sont responsables de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir. En d'autres mots, l'homme n'est redevable de ses actions et de son futur qu'à lui-même et à rien d'autre dans l'univers. Aucun Dieu ne va nous sauver, nous devons nous sauver nous-mêmes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. Je suis en train de vous parler de ce qui forme l'idéologie de base de la nouvelle police d'État, des nouveaux militaires à travers l'Amérique et ailleurs dans le monde, qui sont ceux qui, justement, vont appliquer les lois des Nations Unies pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Après plus de 20 ans de conditionnement, la société d'aujourd'hui souscrit largement à cette philosophie. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fin de compte? En d'autres mots, ça fait 20 ans qu'à travers le cinéma, la mode, les revues, les nouveaux systèmes d'éducation, les nouvelles manières de penser, qu'on conditionne les populations de l'Occident justement à cette manière de penser. Et si vous regardez les résultats à l'heure actuelle autour de vous, bien, vous devez voir que ces résultats-là ont été exactement atteints. Et vous allez voir pourquoi ces gens-là voulaient atteindre ces résultats-là. Ceux d'entre vous qui pratiquent le christianisme sélectif sont plus près de notre foi que des superstitions des secoueurs de Bible d'antan. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il l'explique ici. Le christianisme sélectif, c'est ceux qui, faisant partie du christianisme traditionnel, choisissent les parties bonnes, les parties de la bonne parole avec lesquelles nous sommes d'accord et rejettent celles qui ne font pas notre affaire. En d'autres mots, ceux qui prennent, c'est lui qui le dit, ceux qui prennent au niveau de ce qui touche la tradition chrétienne, ce qu'il fallait eux à faire, puis qui les empêche pas trop de vivre, mais qui rejettent la balance, font exactement, il dit la même chose que nous autres, on encourage. C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on voulait atteindre. Ne croyez-vous pas que sous cet aspect, nous sommes tous identiques? Votre foi en est basée sur ce qui est bien sous le désir de l'homme. En d'autres mots, la foi est valable, la religion est valable, la tradition chrétienne est valable, tel bonhomme à telle place qui parle de telle manière, lui est valable parce qu'il ne nous dérange pas, puis il fait notre affaire. Il dit, c'est exactement ce qu'on a essayé d'inculquer aux populations depuis 30 ans. Il dit, c'est exactement ce que vous êtes arrivé à faire. C'est ce qui va permettre l'établissement d'un nouvel ordre mondial, maintenant avec l'accord des populations. C'est ce qu'il est en train de dire. Je continue. Il dit, nous, humanistes, en fait, sommes plus honnêtes. Nous admettons qu'il n'y a pas de Dieu, que seuls les désirs de l'homme sont importants. Si vous faites un petit retour en arrière, vous êtes bien obligé de voir, hein, que qu'est-ce qui est enseigné depuis 30 ans, depuis les années 60, où la majeure partie de la population était dans une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans à ce moment-là, dans les années 60, bien, vous êtes obligé de voir automatiquement c'est ce qui était justement véhiculé à cette époque-là. Et c'est ce qui a été véhiculé à travers tous les genres de mode et tous les courants idéologiques depuis 30 ans pour arriver au résultat actuel. Seuls les désirs de l'homme sont importants. Il dit, vous, dirigeants de ces chrétiens sélectifs, prêchez que votre foi est basée sur certaines parties de la foi de Dieu, mais en réalité, la majorité de votre foi est basée sur ce qui est agréable ou fait votre affaire. En d'autres mots, en ayant intégré ce que nous autres, les humanistes, voulions faire depuis longtemps, depuis des siècles, vous êtes arrivés à vous fabriquer une nouvelle religion sans vous en rendre compte, mais une religion qui est basée uniquement sur la satisfaction des désirs de l'homme. Et c'est exactement ce qu'on voulait que les populations fassent, et c'est exactement ce que les populations ont fait. Et là, c'est un policier qui parle, à l'intérieur d'un système policier qui est en train de se former, qui est en formation très forte aux États-Unis, au Canada, et d'un système militaire basé sur la même idéologie. Je continue. Il est évident que le gouvernement américain fonctionne sous les principes dirigeants de l'humanisme. Et lorsqu'on parle du gouvernement américain, il ne faut jamais oublier que c'est la nation la plus forte au niveau politique, économique et militaire sur toute la planète. Donc, si vous dites que c'est la nation la plus forte, et c'est la nation qui, justement, en est rendue à non pas seulement la croyance, mais l'établissement et la diffusion de ces principes-là, on se retrouve exactement tel qu'il y a 2000 ans, avec exactement les mêmes valeurs. L'Empire romain, exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc, les bonhommes qui ont pensé, qui ont travaillé depuis des siècles pour en arriver à pouvoir établir un nouvel ordre mondial, n'étaient certainement pas pour passer par un pays comme le Nigeria ou un autre. Ils n'auraient jamais passé nulle part. Ils ont passé justement par la nation qui était la plus fortement structurée, donc par conséquent, qui était celle qui était capable de l'imposer à l'humanité. Et vous avez juste à regarder les moyens de propagande dont peut disposer les États-Unis au niveau du cinéma, au niveau de la culture et de beaucoup d'autres choses, et vous allez voir que c'est exactement ça. Et ça a été très bien visé et très bien centré aussi. La ruse, c'est au lui qui parle, là, okay? La ruse, le mensonge, la tricherie, le vol, le meurtre, l'hypocrisie, les tournures de pensée, tous ces moyens sont moraux si ça nous permet de mieux atteindre nos buts essentiels. Ça, c'est leur manière de penser. Donc, vous faites un décalage, vous vous promenez d'un carbone à un autre. Cette pensée, qui est la pensée du système judiciaire, policier et militaire américain à l'heure actuelle, qui est la même chose par copie au Canada, et qui va l'être de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure que toutes les frontières vont tomber, avec le libre-échange, si les gens n'avaient pas compris ce que ça voulait dire, c'est pas tellement compliqué, c'est que toutes les frontières tombent les unes après les autres, y compris la mobilité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que s'il y a 3 ou 4 millions d'Américains le jour au lendemain qui décident de venir s'établir au Québec pour travailler, ils vont être capables de le faire parce qu'il n'y aura plus de frontières. C'est ça le libre-échange. Même s'ils ne l'ont jamais expliqué comme ça, ça permet une mobilité à tous les niveaux, de quelque manière que ce soit, et de noyer quelque culture que ce soit, ou quelque opposition que ce soit aussi. Ah, n'oubliez pas, quand on regarde aussi, il y en a qui disaient, c'est effrayant, si on regarde la CIA par rapport à certains scandales. Il faut vous dire que pour ces gens-là, ce n'est pas un scandale. C'est tout à fait logique et normal d'agir comme ils agissent, parce qu'ils agissent en fonction d'un but élevé, comme ils l'ont expliqué tout à l'heure. Je recommence cette phrase-là, là. C'est très important parce que c'est leur manière, c'est eux autres mêmes, c'est une conférence dans des cercles privés au niveau judiciaire, OK? La ruse, le mensonge, la tricherie, le vol, le meurtre, l'hypocrisie, les tournures de pensée sont tous moraux. C'est tous des choses qui sont morales et acceptables, comme il l'a dit, si ça nous permet de mieux atteindre nos buts essentiels, et comme vous allez voir plus loin, quel est le but essentiel? L'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et si vous étudiez l'histoire et revenez en arrière, vous allez voir que les communistes avaient exactement la même structure de base de pensée en fonction de l'établissement du communisme, ce qui leur a permis, sans qu'ils se sentent coupables de quoi que ce soit, d'éliminer 90 millions de personnes pendant, dans cette époque-là, que l'Occident ne disait pas un mot. Je continue. Il dit, voilà la vraie vertu. Donc, tout ce que je viens de vous décrire là, pour eux autres, c'est une vertu d'être capable d'agir comme ça. Un bon exemple peut être vu dans la récente guerre contre l'Irak. Donc, vous voyez que ce texte-là, fait pas longtemps qu'il a été écrit. Okay? La guerre contre l'Irak, on remonte, hein, à partir de 90, on était au début 91, ainsi de suite. Donc, il a été écrit hein, depuis à peu près un an et demi, deux ans, ce texte-là, qui est accessible. Okay? Plus de 250 000 y ont perdu déjà la vie, et plus encore meurent chaque jour, le tout pour atteindre un bien supérieur. Le but de tous les grands leaders humanistes, c'est-à-dire quoi? La paix mondiale à travers le gouvernement mondial. Il vient de le sortir. C'est une vertu. On peut éliminer des nations, on peut éliminer des peuples entiers si c'est fait en fonction d'atteindre l'établissement d'un nouvel ordre mondial pour le bien de tous, parce que nous, on a décidé, en fin de compte, que c'était le bien de tous, même si les gens ne sont pas d'accord avec. S'ils ne sont pas d'accord avec, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'était leur bien. C'est ça le nouvel ordre mondial, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est ça, en fin de compte, l'âge du Verseau, qui est à la veille d'être établi sur toute la planète à partir de l'été 99, qui a été décrété, date décrétée par les Nations Unies. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis je me base pas sur des théories ou des choses, des peut-être ou des révélations ou quoi que ce soit. Je me base sur des textes écrits avec des références solides puis des contacts journalistiques solides aux États-Unis, en Australie et en Europe pour les appuyer. Donc, je fais un autre paragraphe, puis on prend un petit break de 5-10 minutes. Je continuerai après, à moins que vous vouliez que je continue tout d'un coup, ça risque d'être lourd. Cet enseignement du nouvel âge est la raison pour laquelle, par exemple, il est possible qu'un officier de police d'allégeance humaniste risque sa propre vie pour sauver un membre de la société un jour. Et le jour suivant, que ce même policier manque lors d'un procès afin de remporter une affaire importante. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une journée, un policier risque sa vie pour sauver quelqu'un, d'accord, en fonction de protéger la société, mais le lendemain, il va dans une cour de justice, il va consciemment mentir avec l'accord de l'avocat de la couronne à cause du but plus élevé au niveau de la société. Ça, c'est normal, c'est une vertu. Ça serait une contre-vertu, et pour eux autres, en fin de compte, on revient à des bizarres de valeurs, hein, mais inversé. Ça serait pour eux autres un espèce de péché contre le nouvel ordre mondial que de ne pas agir comme ça. Ceci ne doit pas être considéré comme étant immoral, étant donné les standards éthiques, ça veut dire moral, OK, les standards moraux, sur lesquels cet officier base sa moralité en ce cas-ci, que la fin justifie les moyens. En d'autres mots, encore une fois, le principe d'un bien suprême. Bien des gens ne comprennent pas encore ceci. Ils ne comprennent pas que c'est la raison pour laquelle nos présidents, pour dire nos premiers ministres, c'est avec Mulroney qui a débarqué à un moment donné, puis avec le nouveau qui vient de prendre sa place, qui est encore pire, en fin de compte, je considère. Bien des gens ne comprennent pas encore ceci, ils ne comprennent pas que c'est la raison pour laquelle nos présidents et leur état-major, les membres du Congrès et plusieurs autres qui tiennent des rôles de leadership aux États-Unis, avocats, juges, avocats de la couronne, milieu judiciaire et autres, mentent et trichent avec nos policiers humanistes. Encore une fois, tout cela pour le plus grand bien de la société, c'est-à-dire pour le plus grand bien du système. On prend une pause de 10 minutes. Donc, nous en étions rendus. Tout cela est bien pour le plus grand bien de la société, c'est-à-dire le système. C'est excessivement grave parce qu'on place maintenant, non pas l'idéologie chrétienne, mais la société, le système, c'est-à-dire, d'après ces gens du nouvel humanisme, la nouvelle société, le nouveau système, donc, le nouvel ordre mondial, la conspiration internationale de l'âge du Verseau, comme étant au-dessus de tout et comme étant acceptable, bon gré mal gré, par tous. Et notre policier est de continuer ainsi. Ce que les masses doivent comprendre et ne doivent jamais oublier, c'est que ceci est pour leur propre bien. Ils devraient savoir maintenant que ceux qui sont réellement en contrôle de nos gouvernements, comme l'expliquait le colonel Oliver North, celui, pour ceux qui s'en rappellent, qui avait été mêlé à Laren Gate, avec Reagan, sait vraiment ce qui est mieux pour le peuple. Il devrait aussi savoir que sous le nouvel ordre mondial, la mission première du système judiciaire est de protéger le système de la masse. Et ce qui est grave à l'intérieur de ça, c'est que le droit individuel, le droit des communautés, cesse d'exister pour faire place au droit de la majorité ayant été obligée, bon gré mal gré, d'accepter un nouveau système. En d'autres mots, ça signifie une dictature, dictature à l'échelle nationale, dictature à l'échelle mondiale, où tout devient homogène, tout se ressemble tant à partir du dernier individu dans la société qu'aux plus hauts échelons de l'administration politique. Continuer. C'est précisément en vue de ceci que nous, à l'intérieur, avons été obligés d'utiliser le système pour supprimer les dissidents aussi rapidement que possible avant que quelques groupes radicaux anti-gouvernement mondial ou anti-humanistes ne puissent prendre des forces. Ce que ça signifie, en d'autres mots, c'est que ceux qui sont à la tête actuellement des gouvernements, des corps d'élite, de l'administration de la justice, l'administration du militaire, l'administration du politique, mentent d'une façon ouverte et concertée aux populations en vue de faire passer le bien suprême du système à venir qu'est le gouvernement mondial, mais aussi en vue d'excuser la disparition de dissidents ou de quelques groupes radicaux. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une très, très grande différence entre les nouvelles, et j'en sais quelque chose en tant que journaliste au niveau international, entre les nouvelles que vous écoutez le soir à la télévision, que vous écoutez quotidiennement à la radio, et ce qui se passe réellement en arrière des portes fermées. Les versions qui vous sont rapportées, tant à la radio, à la télévision sont des versions officielles qui ont été pensées, organisées, structurées en fonction de vous donner une version de la réalité, mais jamais la réalité en tant que telle. Et de cette manière, avec une manipulation aussi ouverte de l'information au niveau national et international, on réussit à faire accepter aux populations la disparition soit d'un individu, soit d'un groupe d'individus, en les faisant passer comme étant des radicaux, alors que très souvent, je ne dis pas la majeure partie des cas, il ne faut quand même pas généraliser, mais très souvent, beaucoup de ces personnes-là sont complètement innocentes. Le seul danger qu'elles représentent réellement est uniquement en fonction de leur impact sur les populations par rapport à ce que ces gens-là veulent imposer comme nouvel ordre mondial. Donc, du jour au lendemain, on fait passer pour des criminels, des radicaux, des terroristes, des gens qui ne le sont pas. Et cela rappelle très bien des situations vécues à d'autres moments donnés de l'histoire. Si on prend en URSS, sous le régime communiste, qui étaient les terroristes? C'était justement ceux qui s'opposaient au régime communiste. Qui étaient les terroristes, en fin de compte, sous le régime de l'Allemagne nazie, lors de l'occupation de l'Europe? C'était les gens de la résistance, et pourtant les gens de la résistance n'étaient pas les vrais terroristes. C'est exactement la même situation qui est décrite ici. Et le même bonhomme de continuer. Vous êtes conscient, bien sûr, que la grande majorité des Américains ne cherchent que la paix et la sécurité. C'est évident. Après un 30 ans de monopolisation, et, en fin de compte, de lavage de cerveau au niveau des populations pour leur enseigner et leur dire, écoutez, ce qui est important avant tout, c'est la paix et la sécurité. Il est évident qu'à un moment donné, la majeure partie des gens dans les populations vont se dire, oui, c'est vrai, c'est la paix et la sécurité. Ils nous le disent, donc on doit les croire. C'est eux autres qui doivent avoir raison, c'est eux autres qui nous représentent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont virtuellement fait de leur gouvernement un nouveau dieu vers qui ils se tournent pour subvenir à leurs moindres besoins. Nos leaders du nouvel âge et nous, leurs soldats, leurs bras et jambes, c'est-à-dire les policiers et les militaires, se tiennent prêts à donner aux masses ce pour quoi ils prient. Et on arrive ici à la définition claire et nette de l'État-providence. Tous ceux qui se sont imaginés depuis 30 ans qu'ils avaient acquis à travers les luttes, à travers les contestations, à travers les manifestations au Québec, des acquis sociaux, des droits sociaux, ne se sont jamais rendus compte que d'une année à l'autre, pendant cette période-là, ils ont donné au gouvernement toutes leurs responsabilités. Ils ont dit au gouvernement, écoute, c'est toi qui détiens ces responsabilités, c'est toi qui nous représente, c'est toi qui vas nous donner maintenant ce qu'on a de besoin, lorsqu'on a de besoin. En d'autres mots, on a habitué les individus, lentement, à se départir de chacune de leurs responsabilités, et pire encore, on a réussi à leur faire croire que eux, par eux-mêmes, étaient incapables de fonder ou de mettre sur pied quoi que ce soit de valable, qu'il n'y avait que le gouvernement pour être capable de le faire. Et de continuer, permettez-moi de répéter. Notre rôle à l'intérieur du système judiciaire aujourd'hui est de protéger le plan, le système. De quel plan est-ce qu'il parle? C'est pas compliqué, c'est le plan de la mise sur pied du gouvernement mondial. Et vers la fin de cette conférence, je vais vous énumérer assez en détail tout ce que ces gens-là ont mis sur pied pour être sûrs de ne pas manquer leur coup. Donc, est de protéger le plan, le système, et de punir ceux que nos leaders identifient comme étant des ennemis de ce système. Eh bien, imaginez-vous, du jour au lendemain, on vient de transformer le sens même du droit et de la culpabilité. Dans le sens que ce n'est plus la personne qui vole, qui fraude, ou qui commet un meurtre du jour au lendemain qui est un criminel. Comme ils l'ont expliqué, si ces gens-là le font à l'intérieur de cadres établis, pour le plus grand bien du nouveau système, ces actes-là sont considérés comme étant des vertus. Mais du jour au lendemain, le simple pauvre petit citoyen qui va s'élever contre quelque chose qui va à l'encontre même de ses principes intérieurs, à l'encontre même de sa conscience, à l'encontre même de sa tradition chrétienne, qui va s'élever contre ça, va être considéré à cause de ce qui est ce pourquoi il va se battre, va être considéré comme étant un criminel et un terroriste, alors que le pauvre homme en question n'aura jamais commis tout le temps de son existence aucun acte criminel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'instauration claire et nette, pour ceux qui ne l'étaient peut-être pas encore imaginé, l'instauration d'une dictature. Le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, la conspiration universelle de l'âge verso, est ni plus ni moins que l'établissement d'une dictature à l'échelle mondiale, une dictature dont l'idéologie est fondée, basée sur l'humanisme, où l'idée de Dieu n'existe plus, il n'y a l'idée que du bien-être de l'homme ici et maintenant. Donc, une dictature semblable, n'importe quel individu, du jour au lendemain, lorsque ce nouvel ordre-là va commencer à être installé, qui va s'élever à cause de ses principes, à cause de sa conscience ou à cause de sa foi contre cette dictature-là, va être considéré par le gouvernement et va être identifié par le gouvernement comme étant un criminel. Et, écoutez, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous avez juste à vous reporter, le 2000 ans, à l'Empire romain, en fin de compte, ou à d'autres empires dictatoriaux qui ont existé à travers l'histoire, et c'est exactement le même pattern d'existence et le même pattern de pensée et criminel, celui qui s'élève, en fin de compte, contre l'idéologie gouvernementale établie pour la majorité des gens, bon gré, mal gré. Qui étaient les criminels il y a 2000 ans? C'étaient les chrétiens. Qui étaient les criminels, en fin de compte, sous le régime communiste en URSS? C'était ceux qui étaient pour, en fin de compte, la liberté de conscience et la liberté de religion des individus, qui étaient non seulement considérés comme étant des criminels, mais comme étant des gens qui avaient renié leur pays. Donc, ici, on en revient exactement à la même chose, mais non plus à un niveau national, à un niveau international. Donc, le bonhomme de continuer, bien sûr, tout comme nos collègues soviétiques, il revient encore au même terme que tout à l'heure, donc en disant collègues, excusez, collègues, même méthode, même manière de penser, sous l'éthique de situation, c'est-à-dire sous la morale de situation qui se produit, et la morale est valable dans telle situation, mais dans l'autre situation, elle ne l'est plus. Donc, sous l'éthique de situation de notre nouvel âge humaniste, nous ne sommes pas limités dans les méthodes que nous pouvons appliquer pour gagner. Donc, ils ne sont pas limités par leurs méthodes. Donc, imaginez-vous, avec la technologie actuelle et avec tout ce qui est en train d'être développé sans que les populations en soient au courant, il n'y a aucun moyen qui va être, en fin de compte, négligé pour arriver à l'instauration de ce nouvel ordre-là. Et il termine son paragraphe ici en disant « Nous pouvons donc procéder avec hâte et sans obstruction à pacifier et sécuriser les masses. » Donc, pour eux autres, pacifier et sécuriser les masses, ça veut tout simplement dire se débarrasser de tous ceux qui vont représenter un danger à cause de leur conscience ou à cause de leur idéologie chrétienne, qui vont représenter un danger pour l'instauration de ce nouvel ordre mondial-là. Et de continuer en disant, regardons encore une fois notre exemple de ce policier qui reste sa vie de façon routinière pour les autres et qui pourtant va mentir au banc des témoins pour aider son gouvernement dans une cause en cours. Si certains d'entre vous sont encore surpris par ceci, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que j'essaie d'expliquer. Ils ne vont pas de même ordre, ils nous prennent carrément pour des imbéciles. Vous n'avez pas non plus compris ce que vos enfants ont si bien appris à travers 20 ans de système d'éducation de notre gouvernement, et voilà, le coin du voile ici est levé. On nous révèle tout d'un coup que le système d'éducation, tant aux États-Unis que le nouveau système d'éducation au Québec, en France ou ailleurs dans le monde, un système à l'intérieur duquel plusieurs personnes ont remarqué une abolition complète de tout principe religieux et de principes moraux, était quelque chose qui avait carrément été organisé par eux. Et nous, ici, à l'agence de presse, on possède des documents qui démontrent de quelle façon le Grand Orient de France, lui-même, dans les années 1960, a profité de la situation qui lui était offerte au Québec pour organiser ce qu'on a appelé par la suite la Révolution tranquille. Donc, la Révolution tranquille, pour beaucoup, qui a été considérée comme étant une libération, comme étant une émancipation de l'homme vers des nouvelles valeurs et l'abolition des anciennes valeurs, était ni plus ni moins qu'une nouvelle forme d'esclavage, sans que les gens s'en soient rendus compte, un moyen pour se débarrasser consciemment, volontairement, en fin de compte, de tout ce qui avait existé comme principe allé jusqu'à 1960. Okay. Bon. Donc, le bonhomme dit ici, et c'est ce que nous vivons dans une ère où l'homme a sagement placé sa confiance dans le gouvernement au lieu de quelques superstitions appelées divin ou Dieu. Ce sont les anciennes morales religieuses qui ont causé tous nos problèmes. Un nouvel âge appelle un nouveau système de croyances, un nouveau code moral, une nouvelle religion. Il est excitant de voir presque toutes les religions du monde se regrouper gentiment unies en se préparant à servir le nouvel ordre mondial. Donc, il dit par la suite, il dit, je voudrais vous présenter le docteur Sidney Simon, un érudit lettré qui a été très efficace et qui mérite une grande reconnaissance pour son travail de rééducation de l'humanité. Pour ça, personne n'a entendu parler, mais le gars est considéré dans ces milieux-là comme un grand rééducateur de l'humanité, mais on va vous dire comment. Il parle simplement, et ce qu'il dit est sans équivoque, surtout lorsqu'il dit, « Nous n'avons plus besoin de nous faire casser les oreilles avec ce qui est bien ou ce qui est mal. Les vieux, tu ne feras pas ceci ou cela, ne sont tout simplement plus pertinents. » Puis, il explique aux éducateurs d'enfants, à qui il s'adresse, que la clarification des valeurs est une méthode pour les professeurs de changer les valeurs de leurs élèves sans se faire prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous des nouveaux déguisements, comme ce qui a été fait au Québec depuis une vingtaine d'années, sous un nouveau langage, en fin de compte, on enseigne des nouvelles valeurs aux enfants sans que les enfants et les parents s'en rendent compte, puis sans que les éducateurs peuvent être accusés de quoi que ce soit. Même si ça mène à un affrontement, une confrontation entre les enfants et les parents. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, La clarification des valeurs est un autre terme pour éthique de situation, ce que l'on parlait au début. Un livre utilisé par les éducateurs aux États-Unis, intitulé « Pleurer pour nos enfants », explique que la clarification des valeurs fait partie de la nouvelle moralité. Deux points, ça veut dire quoi? C'est quoi la nouvelle moralité qui est enseignée aux enfants dans nos écoles au Québec, aux États-Unis ou au Canada? C'est correct de mentir, c'est correct de voler, c'est correct d'avoir des relations sexuelles prémaritales, c'est correct de tricher ou de tuer si ces choses font partie de votre système de valeurs et que vous avez clarifié ces valeurs pour vous-même. Ce qui est important, ce ne sont pas les valeurs que vous choisissez, mais que vous les ayez choisies librement par vous-même et sans pression de vos parents, époux, prêtres, amis ou sociétés de quelque type. C'est assez intéressant comme définition. Ça ne correspond pas à notre système d'éducation. Alors, regardez les livres à l'heure actuelle que vos enfants ont dans les écoles primaires ou secondaires, à l'heure actuelle au Québec ou aux États-Unis ou ailleurs, et vous allez voir que tout le système d'enseignement est exactement basé là-dessus. Vous êtes libre, vous avez des droits, c'est vous qui choisissez, puis si vous choisissez d'être telle chose ou d'être de telle tendance, c'est acceptable parce que vous l'avez choisi. Exactement ça. Sans que personne s'en soit rendu compte. Ce sont de tels proposants de ce nouvel humanisme dans les écoles du gouvernement, les professeurs, que nous devons remercier pour avoir remodelé les valeurs de ces futures générations. On continue. Quand la loi nationale des garderies sera adoptée, là on parle des États-Unis, ici on a un système de garderie, OK? Ce sera un grand jour pour les humanistes et les proposants de la paix mondiale. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous pourrons accomplir une fois pour toutes lorsque nous aurons l'attention des enfants en âge préscolaire de 6 à 9 heures par jour. Il dit, regardez ce que nous avons déjà accompli avec les groupes plus âgés de la jeunesse américaine. En d'autres mots, les systèmes de garderie qui existent sont en fonction de donner une éducation purement humaniste, sans aucune valeur morale, sans aucune valeur traditionnelle aux enfants, afin de les préparer intérieurement à l'acceptation d'un gouvernement mondial. Et s'il y a des gens qui se demandent comment ça se fait, par exemple, excusez, que l'émission passe partout, que tout le monde pratiquement a regardé au moins une fois la télévision, a été si populaire, c'est parce que cette émission-là est basée exactement sur les mêmes valeurs, dont la valeur du jeu, pour rendre tout acceptable. Et c'est tellement vrai qu'on a fini à fabriquer une génération complète de jeunes, que si quelque chose n'est pas présenté d'une certaine manière, elle n'est plus acceptable. Il faut que ça soit présenté par le jeu, mais on n'est plus capable d'accepter la réalité telle qu'elle est, parce que la réalité fait peur. On a pratiquement créé des schizophrènes en puissance, des gens qui se fabriquent une autre réalité à côté de celle qui existe vraiment. Comme j'y ai déjà fait allusion, cette nouvelle société, basée sur la déité de l'homme, la déification de l'homme, l'homme est un dieu, nécessitera un nouveau type de policier. Il ne va pas de même ordre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Un de nos éducateurs m'a dit il y a quelques semaines, les religieux américains d'antan n'en croiraient pas leurs yeux de voir les changements que nous sommes permis. Elle avait raison car après tout, James Madison a dit, nous avons musé le futur de la civilisation américaine non pas sur le pouvoir du gouvernement, loin de là. Nous avons misé le futur sur la capacité de tous et chacun d'entre nous de nous gouverner nous-mêmes, de nous soutenir nous-mêmes, et ainsi de suite. Et on dira après ça que le nouvel âge, le gouvernement mondial qui est en préparation, est bon pour tous. Ceci est un nouveau jour et nous avançons rapidement vers le 21e siècle. Je créerai, hein? On arrive en 94, il reste 6 ans. Les Américains ne désirent plus assumer les responsabilités de se gouverner eux-mêmes. Heureusement pour eux, il y a toute une nouvelle génération de leaders et de gens au gouvernement très dédiés à s'occuper d'eux, même s'ils ne veulent pas, en d'autres mots. Bon, on va terminer sur la main-d'œuvre policière. Laissez-moi pour un instant vous entretenir de la question de la main-d'œuvre policière. Comme les citoyens abandonnent par peur de plus en plus de leurs droits, de plus en plus de policiers sont nécessaires afin de superviser les activités de la population, afin que cette population demeure sécuritaire et paisible. En d'autres mots, OK, ce qu'il est en train de dire, c'est que plus que les citoyens abandonnent leurs responsabilités personnelles au gouvernement, plus qu'on fabrique l'État-providence, plus il y a de troubles dans la société. Pourquoi? Il y a de plus en plus de troubles, parce que les gens se départissent de plus en plus de leurs propres responsabilités. Bien, par conséquent, plus les gens ont besoin, dans cette même société, de plus en plus de policiers pour se protéger. Il y a 30 ans, il n'y a pas besoin autant de policiers que ça. Pourtant, la population est quasiment aussi importante. Il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de 30 ans? Ça prend plus de policiers aujourd'hui que ça en prenait il y a 30 ans. Il y en a qui vont parler du progrès, ils vont parler des nouvelles valeurs, et ainsi de suite. Non, il ne faut tout de même pas charrier. On parle ici, c'est ce qui est écrit, qu'on a habitué les gens à se départir de leurs responsabilités pour les remettre au gouvernement, mais si les gens ne prennent plus leurs responsabilités, bien, à ce moment-là, il y a plus de problèmes. S'il y a plus de problèmes, bien, ça demande plus de policiers pour s'occuper de ces problèmes-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Qui aurait pensé, il y a 100 ans, que l'intégration de la peur de pratiquement tout, la peur de tout, serait la réponse à l'établissement du nouvel ordre mondial? Qui aurait pensé à ça? C'est lui qui l'écrit. Le mérite de ces innovations revient aux libres penseurs de la dernière génération d'avoir réussi le coup de maître, okay, le coup de maître de faire en sorte que la peur serve de mécanisme de base pour permettre n'importe quoi sur le dos des populations. La vieille génération, connue comme des officiers de la paix ou des serviteurs du peuple, n'aurait pas si rapidement adopté ou intégré ce nouvel ordre des choses. C'est vrai, ça. Les gens, là, d'autres générations, et ça, n'auraient pas accepté un nouvel ordre de valeur aussi rapidement que ça. Qu'est-ce qui a fait que les gens l'acceptent sans rien dire à l'heure actuelle? C'est ce qu'il dit. Heureusement, cela n'a pas posé trop de problèmes, vu qu'ils sont rapidement remplacés par attribution naturelle, c'est-à-dire la mort ou la retraite. Il n'en restera plus aucun d'ici 7 à 8 ans. Si je prends la date à laquelle le document a été écrit, ça veut dire que d'ici l'an 2000, il n'y en restera plus aucun. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des anciennes valeurs, ou des valeurs morales, ou des valeurs traditionnelles, OK, n'auront plus aucun poste clé dans le gouvernement, le militaire ou le judiciaire en l'an 2000. C'est ça que ça veut dire. L'élimination va avoir été faite sans que personne s'en rende compte. Donc, à ce moment-là, l'établissement d'un gouvernement mondial ne pose plus aucun obstacle. Au même moment, les agences de police essaient par nécessité de filtrer les prospects qui croient aux anciennes superstitions religieuses et de ne pas les engager. En d'autres mots, ceux maintenant qui vont s'engager, qui s'engagent à l'actuel pour devenir policiers ou militaires, et s'ils ont des croyances religieuses touchant les valeurs traditionnelles, comme il est en train de dire, ils ne sont carrément pas engagés, qu'ils n'y pensent même pas. Et c'est pour ça qu'on a changé le système d'éducation pour être sûr que les jeunes qu'on forme depuis une vingtaine d'années sans aucune valeur morale, soient des jeunes, en fin de compte, rendus à l'âge de 20 ans, bien qu'ils soient acceptables au niveau des nouveaux corps policiers ou militaires. C'est aussi simple que ça. Ceci doit être fait car les religieux ne feront pas les choses qui leur seront demandées sous le nouveau système. En d'autres mots, il est en train de dire, écoutez, si ce n'était pas comme ça, on aurait des moyens problèmes. Parce que si on prend des personnes qui ont une morale chrétienne, on leur demande de faire tes choix à cause de cette morale chrétienne-là, ils ne font pas. Il faut qu'on ait des gens qui soient prêts à faire n'importe quoi, donc il ne faut pas qu'il y en ait de morale. Il faut que leur morale soit le bien recherché par l'établissement d'un gouvernement mondial. Le but ultime qui permet d'utiliser n'importe quel moyen par en sauve. Pour ceux qui restent attachés au fondamentalisme religieux de l'ancien monde, ils sont tranquillement mis de côté sous toutes sortes de prétextes, de raisons, avec l'aide du temps ou d'un peu d'ingéniosité de la part des nouveaux dirigeants. En d'autres mots, pour ceux là, qui restent, qui sont en poste, qui ont des valeurs religieuses ou autres, que ce soit dans le domaine de la médecine à l'heure actuelle, du droit ou de n'importe quoi, ils sont mis de côté pour toutes sortes de raisons. Soit qu'ils vont baisser, par exemple, l'âge de la retraite de 5 ans. Pas un cadeau qu'ils font en population si jamais ils baissent l'âge de la retraite de 5 ans. Hein? C'est pour éliminer tous ces gens-là de tous les postes clés qui peuvent exister. Et c'était là. Certains de ces officiers de l'ancien temps se plaignent que ce type de discrimination est anticonstitutionnel et immoral, mais nous savons qu'ils ont tort. Sous l'éthique de situation, toutes les choses sont morales en autant qu'elles avancent vers le but, but en lettres majuscules, qui est l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc, ils ne sont pas retirés pour une quelconque cause diabolique. Ils sont tout simplement retirés car ils sont incompatibles et non fonctionnels pour accomplir les tâches qui seront exigées d'eux. Très mathématiques, les affaires. Hein? D'ailleurs, j'ai d'autres documents. Là. Il va y avoir d'autres conférences, ainsi de suite, puis je vais faire des cassettes en fonction de ça, parce que ça demanderait trop de conférences. Écoutez, on en fera quasiment une par semaine, puis on ne pourra pas vider le sujet. Ce qui est dit ici, quand je regarde les nouveaux termes économiques qui ont été développés dans les années 90 et dont j'ai reçu des documents de journalistes américains, confirme ce qui est dit ici dans un autre domaine sur la manière de projeter volontairement les populations de l'Occident dans une crise économique fabriquée. Une crise économique fabriquée qui va faire en sorte que, oui, il va vraiment avoir une crise économique pour les populations, mais les grandes entreprises, elles, ne subiront jamais les contre-coups de cette crise-là, comme celle qui s'était faite dans les années 30. Donc, je termine ici en disant, je le répète et je le maintiens, si un policier professionnel doit mentir contre ceux qui menacent la loi et l'ordre, cela est moral. C'est trop le même bonhomme qui parle ici. La même chose est vraie quand des avocats cachent des preuves ou des témoins à la justice pour gagner leur cause. C'est ça, la nouvelle justice, sous un nouvel ordre mondial. On est dedans à l'heure actuelle. Je vais juste finir le texte parce que ma cassette travaille de terminer en même temps. Quand un politicien ment pour obtenir un poste ou qu'il marchande pour promouvoir le nouvel ordre mondial, cela est moral aussi. C'est toujours le même policier qui parle. Laissez-moi vous dire ce qui est vraiment immoral. Donc, qu'est-ce qui est immoral pour les gens du nouvel ordre mondial, pour les nouveaux policiers ou les nouveaux militaires? Okay? Qu'est-ce qui est immoral pour eux autres? Je vais utiliser la distribution d'amendes aux contrevenants à la loi de la circulation, par exemple. C'est-à-dire, si quelqu'un va trop vite, je donne une contravention. Okay? La véritable immoralité, c'est quand 5 bons et loyaux citoyens sur 10 viennent à la barre des témoins, font serment de vérité devant leur Dieu, puis fabriquent des mensonges et hontés dans le but de se débarrasser de leurs amendes. Ceci, nos policiers le voient tous les jours. Ceci n'est pas seulement immoral, mais hautement hypocrite. La malhonnêteté d'un policier aide la société en entier. Si un agent du gouvernement mentait pour ses propres intérêts, ce serait immoral. S'il le faisait pour le bien de l'humanité, ce ne le serait pas, ce serait moral à ce moment-là. Vous imaginez le transfert des valeurs? Et c'est là la leçon la plus importante que je vous apporte aujourd'hui. C'est une chose quand un dirigeant ou un agent du gouvernement a besoin de mentir pour ne pas décevoir la population, mais c'est tout autre chose quand il s'agit d'un citoyen ordinaire de la masse qui mord la main qui le nourrit en mentant à ceux qui, héroïquement, lui amènent le salut dans le meilleur des mondes. On revient quasiment au meilleur des mondes de la Dr. Huxley. Voyez-vous cette importante différence? Il nous prend toujours pour des imbéciles. L'ancien monde avait compris que c'était le plus grand des péchés que de mentir à leur Dieu. Les générations de dévots qui désirent entrer dans le nouvel ordre mondial doivent de la même manière comprendre que c'est le plus grand péché que de mentir à leur nouveau Dieu, le gouvernement. C'est grave. C'est un texte, je le répète, qui a été obtenu dans les années 90, d'une façon assez spéciale par des journalistes aux États-Unis, il a été remis sous un pseudonyme par un policier qui avait peur de représailles, texte de conférence qui avait été prononcé, à ce que j'ai su, à un très haut niveau, au niveau de la nouvelle formation idéologique des policiers et des militaires en Amérique du Nord. Il ne faut jamais oublier que quand on parle des États-Unis, on parle aussi, par voie de conséquence, de la même formation au Canada. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué au cours de l'enregistrement, avec le libre-échange, on voit bien que même s'il y a toujours deux noms différents de pays, qu'il y a toujours une frontière, qu'il y a une certaine manière différente de vivre entre le Canada et les États-Unis, mais différence beaucoup plus prononcée entre le Québec et le reste de l'Amérique, on parle d'un corps entier qui s'appelle l'Amérique du Nord et qui doit faire un tout à tous les niveaux avec le Mexique, dans ce qui a été pensé à un moment donné au niveau de la commission trilatérale sur le plan international. Que je continue pour terminer ce rapport de conférence-là. Donc, le bonhomme le dit clairement, c'est le plus grand péché que de mentir à leur nouveau Dieu, le gouvernement. C'est la définition même, du sens de la dictature la plus absolue, la plus complète, et on sait ce que peut signifier le mot dictature. Vous avez juste à prendre un dictionnaire et voir la définition, vous référez à l'Allemagne nazie, au gouvernement sous Mussolini en Italie, au gouvernement communiste pendant les 70 ans du communiste complet en Union soviétique et avec son influence dans d'autres pays. Et on voit que c'est pas un cadeau. L'individu n'existe pas. C'est le gouvernement, c'est le bien de l'État qui existe avant celui de l'individu. Et le bonhomme de terminer sur ces prochaines lignes. Toute déloyauté de la sorte viendrait à l'encontre de la marche vers le progrès engagé par ceux qui amènent la gloire du nouvel ordre mondial. Nous ne sommes pas préoccupés avec les quelques résistants à ce nouvel ordre. Ça veut dire ça, ils s'en fichent qu'il y ait quelques personnes ici et là, comme c'est mon cas, qui font des conférences, qui parlent. C'est pas tellement ça qui les intéresse. D'ailleurs, ils le définissent, certes, en disant « car par nécessité pratique, leur destin a déjà été amplement établi dans le plan ». Et le plan, je vais vous en parler au niveau technologique, là, à la fin du texte de cette conférence. Vous allez voir qu'il est plus complet qu'on aurait pu l'imaginer. Et à l'intérieur de ce plan-là, il a même été pensé et mis sur pied, c'est le cas à l'heure actuelle, le programme des camps de concentration en Amérique du Nord. Et je ne parle pas de camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, des camps désaffectés. Je vous parle de camps nouvellement construits, avec une technologie excessivement avancée et des nouvelles méthodes de sécurité technologique à l'épreuve de tout. Je continue ici. Donc, nous ne sommes pas préoccupés avec les quelques résistants à ce nouvel ordre, car par nécessité pratique, leur destin a déjà été amplement établi dans le plan. Ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est que les masses obéissantes comprennent qu'il est néfaste pour le progrès de suggérer que leurs superviseurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les membres des Nations Unies, se complaisent sous la pression et la futilité de ces superstitions d'ordre et morale désuète. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que ce qui est néfaste, en fin de compte, pour les masses obéissantes, la population en général, ce qui serait néfaste pour elle-même, okay, ce serait que s'il y avait des gens à tête du gouvernement, ou à tête des Nations Unies, ou à tête des organismes mondiaux, ou à tête des corps policiers ou des corps militaires, qui croiraient encore ou qui transporteraient dans leur quotidien les croyances aux dogmes moraux de l'Occident chrétien, de ce qui existait pendant 2000 ans, ça serait pour eux autres ce qu'il y a de plus dangereux. Il y aura des changements difficiles auxquels auront à faire face ceux qui entrent dans cette nouvelle société. Sur ce sujet, par contre, nous pouvons assurer au peuple qu'il n'y aura aucun compromis. Ça veut dire quoi, aucun compromis? Alors, regardez l'établissement du régime communiste en URSS, en Russie, à partir de 1917. Considérez que, dans l'ensemble, les communistes ont éliminé au moins 90 millions de personnes pour arriver à leur fin. Et ça peut vous donner une idée, de ce qu'il veut dire quand il dit « Nous pouvons vous assurer, nous pouvons assurer au peuple qu'il n'y aura aucun compromis. » Et il termine en disant « Merci de m'avoir écouté, que la bénédiction du nouvel ordre vienne rapidement sur vous. » Par Rupert Orpheus, pseudonyme. Donc, que la bénédiction du nouvel ordre vienne rapidement sur vous, ben ça réfère directement, pour ceux qui se connaissent un peu au niveau des loges maçonniques, que la bénédiction, en fin de compte, du grand Dieu universel ou chose semblable, ou que la force soit avec vous, ce qui a été véhiculé dans des films au cinéma, c'est exactement la même chose. Une nouvelle entité universelle à laquelle, en fin de compte, on devient totalement obéissant. Et pour ceux qui sont de croyance religieuse, bien, cette nouvelle entité universelle qu'on va imposer à l'humanité à la tête d'un gouvernement mondial s'appelle carrément l'Antéchrist. Je suis pas ici en tant que journaliste pour parler soit de moralité ou parler de religion, c'est pas mon travail. Mon travail est un travail de journaliste d'enquête à l'échelle internationale. Et ce que je vous ai rapporté à l'heure actuelle, et ce que je vais vous rapporter pour terminer la conférence, est basé sur des documents écrits. Ce n'est pas ma pensée personnelle. Ce sont des documents qui, parfois, ont été obtenus avec beaucoup de difficultés de la part de journalistes américains, dont plusieurs ont risqué leurs emplois, leur sécurité et même certains, leur vie pour arriver à avoir de tels documents. Donc, ce ne sont pas des choses imaginées ou des choses lancées en l'air comme ça du jour au lendemain. Donc, dans la nouvelle technologie, ce qu'on appelle la technologie de pointe, qui va être utilisée et qui a commencé à l'heure actuelle à être utilisée pour en arriver à un contrôle absolu de toutes les populations sur la planète, et quand je parle des populations, c'est le contrôle de chaque individu en particulier, ces bonhommes-là ont admis ouvertement dans d'autres documents, alors que lors de réunions privé entre Rothschild et David Rockefeller aux États-Unis, ont admis que sans l'avènement de l'ordinateur, du computer, et de la nouvelle technologie, l'instauration d'un gouvernement mondial aurait été complètement impossible à réaliser. C'est grâce aux nouvelles technologies que ce gouvernement-là devient réalisable. Et l'une des mises au point technologiques les plus effrayantes depuis le début de l'humanité est le microchip biologique d'identification internationale. Pour donner une petite idée, en fin de compte, de ce que peut être le microchip, c'est une unité, une puce électronique qui n'est pas plus grosse qu'un grain de riz, renfermant une information incalculable sur l'individu qui en aurait été implanté et qui est prévu pour être implanté sous la peau sur chaque individu au moment de l'instauration de ce nouvel ordre mondial. On dit ici, d'après les documents qui m'ont été envoyés des États-Unis, en ce moment même, en 1993, une compagnie américaine, la Destron IDI du Colorado, fabrique et annonce ses puces électroniques d'identification ID chips globalement via Infopet et d'autres distributeurs nationaux et internationaux. Ces puces, pour l'instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons et tout produit manufacturé. Actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Ici, il m'a été envoyé des documents vidéo et des photos qui prouvent hors de tout doute l'existence de cette nouvelle technologie-là. Aujourd'hui, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de 9 chiffres. On parle des États-Unis. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé avec l'aide des nouveaux ordinateurs par une série internationale de 18 chiffres numériques, okay, à cristaux liquides, qu'on appelle le Mesh Block, M-E-S-H, trait d'union, B-L-O-C-K, une configuration internationale qui permettra de retracer n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisé en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun. Au moment où vous entendez ces informations, ces implants de puces électroniques sont appelés, aussi appelés transponders, sont partout répandus sur la planète pour le contrôle de l'industrie animale. Un transponder c'est un récepteur émetteur radio-radar activé pour la transmission par la réception d'un signal prédéterminé. Il y a une cassette complète qui est faite à l'intérieur sur ce sujet-là, avec aussi des photos et des documents de presse pour ceux qui seraient intéressés de se la procurer. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'agence de presse libre, à case postale 177 Magog, J1X3W8 ou au numéro de téléphone suivant 514-981-7322. Donc, pour continuer ici, excusez, les autres moyens utilisés dans ce contrôle-là, c'est la surveillance technologique nationale et internationale. Il y a une série de 5 cassettes qui vont être faites dans les prochaines semaines et qui vont être disponibles à partir de janvier 1994. On parle ici de surveillance au laser et câble vision, les nouveaux permis de conduire, la nouvelle carte d'assurance maladie, États-Unis et Québec, surveillance électronique des autoroutes et nouvelles technologies intégrées dans les automobiles sans que les individus en soient conscients, le nouvel espionnage électronique par le téléphone sans fil, le téléphone cellulaire, les dossiers d'appel téléphonique, le micro clandestin, le système électronique pour porte de garage, les répondeurs téléphoniques et les boîtes vocales, les pagettes, les enquêtes sondages téléphoniques et la carte de points Zeller, les disquettes d'ordinateur, le United Postal Service, le Federal Express Service et le service des postes, les caméras vidéo, numéros d'assurance sociale nationale et internationale, dossiers scolaires, dossiers médicaux, dossiers d'impôts et de services sociaux. C'est pas pour rien à l'heure actuelle qu'on est en train et qu'on a commencé à fabriquer de pures pièces une crise économique pour forcer les gens, malgré eux, à se diriger vers l'aide sociale, parce que c'est un moyen légal qui ne paraît pas pour aller chercher une information complète sur tous les individus qui auraient été pratiquement impossibles à obtenir autrement. Contrôle technologique du cerveau à distance, champs électromagnétiques, terminaux de vidéo et jeux vidéo, micro-ondes, désinformation militaire et civile, le projet Pandora de la CIA en 1976, le contrôle par micro-ondes de basse intensité et complications biologiques, les nouvelles armes électromagnétiques. À part ces informations-là que l'on a reçues, on a des informations concernant la Banque mondiale de conservation de l'énergie, David Rockefeller, réunion du 13 septembre 1987 et le découpage géographique du Québec au profit du nouvel ordre mondial fourni avec carte géographique du plan mondial. Ensuite, il y a le plan technologique pour la chute de l'économie mondiale et l'anéantissement des fortunes individuelles, le nouveau papier-monnaie avec barre magnétique invisible, la disparition des classes moyennes et la nouvelle télématique internationale au niveau du contrôle de l'économie mondiale. Et on vient de finaliser d'ailleurs en 1993, décembre 93, les accords qui vont permettre le développement tant au niveau de la technologie de pointe que de la télématique au niveau de l'économie pour en arriver à un contrôle semblable. Il y a un document aussi pour ceux qui sont intéressés, document de 50 pages qui est un dossier de presse. Il est en anglais parce que les articles ont été écrits aux États-Unis dans des journaux officiels et plusieurs dans des journaux religieux concernant la puce électronique d'identification, celle dont je vous parlais au début, le microchip biologique d'identification internationale. Il y a un dossier de presse là-dessus qui peut être obtenu pour ceux qui sont intéressés de l'avoir. La police du Nouvel Âge en Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'histoire tragique de la vaccination depuis ses débuts. Et à l'intérieur de ça, écoutez, il y a un volume qui va être disponible en janvier 1994 qui s'intitule, c'est un dossier d'enquête journalistique qui s'intitule « Vaccins, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides sur la manipulation internationale des vaccins et la situation assez complexe et assez étrange du vaccin contre la méningite qui a été donné au Québec en 1992. Ensuite, il y a le projet Blue Beam de la NASA, qui est le spectacle spatial son et lumière à partir de la voûte céleste, qui est prévu pour l'implantation du nouvel ordre mondial. Donc, gênez-vous pas. Tous ceux qui sont intéressés d'avoir plus d'informations sur ce sujet et toutes les informations fournies, tant au niveau des cassettes audio, cassettes vidéo, documents de presse et autres sont toujours fournis avec des preuves et des références qui sont vérifiables, donc des documents authentiques, des documents journalistiques que les gens vont pouvoir se servir comme preuve à apporter pour ceux qui douteraient de ces informations-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine conférence aura lieu le 8 janvier 1994 à Montréal. Ceux qui auront déjà entendu ce cassette-là avant la conférence, qui sont intéressés d'y participer, avoir d'autres informations, peuvent communiquer au numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire le 514-981-7322. Merci. Et à la prochaine.